Le journal Nigerian Observer a présenté le résumé détaillé de la lettre historique du maréchal Kim Jong-un adressée aux participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, renforçant davantage le travail de l'Union des femmes sous la bannière de la transformation de la société entière selon le kimilsonisme-kimjongisme. Par ailleurs, le forum allemand anti-impérialiste l'a inséré dans son page d'Internet.